Nzambe, Nzambe, Nzambe. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nzambe, Nzambe, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nzambe, Nzambe, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Namaso yose azangala pesa yone Kamata mutima Papayo zanzambe yotona na kene Zero na bilayo Asanjuri nukubo peke moezo nana yu Yojali nzambe Na kumisi yote nani mususu Kuyonde ujali moko ndinande Lilo nza mengana ndimi kumipiza mobi mana yo Muti mananga muri mananga makanisi uyanga yawe Yawe sale Lelo nzambi ngana ndimi kumi pesa mobi mbana yo Nzambi Otema nanga muli muna ngama Nago zeli yope mukiri uyo Sale langai Sale yo yawe Tambe sala na yo Sale yo yawe Il t'a donné la vie, il règnera jamais. Peuple de Dieu, adore l'éternel. Il t'a donné la vie, il règnera jamais. Vous avez manqué l'île à Nicolas Bérassé. Oh, t'es qu'un athée.